Sans distinction de religion. Non, non, non, non, ça nous intéresse pas. Tout ce qui compte, c'est que on a un nouveau pape. On a un nouveau pape. On a un nouveau pape. On a un nouveau pape. Les grandes élites à huis clos ont désigné ce tout nouveau super-héros. Petit peuple, applaudis à genoux. Tu as aussi le droit de tendre l'autre joue. Oh,